soki likambo ezali moto yonso akotia matoi akoyoka makambo mobutu akoloba na bapeuple na ye akoyoka nyonso na tension po atobela soki mabe akosala wowowowowo teo po akosala nsima lelo 5 ans ya régime nani akanisaki tokokomao moto nyonso ya nzambe asambelaki mpola mpe ezonga na congo bamusicien nyonso o bayembaki mpo bakumisa nouveau régime bafonctionnaire armé na la polise mobutu apesi melesi nazongisi yo melesi ya peuple nyonso na nzembo président tata apesa yo melesi esengo nini na motema atondimaki etambwisaki révolution nyonso bamoni polele melesi apesi na congo mobimba oyo apesaki maboko na nouveau régime au commandement armée nationale police nationale la sécurité la télévision ba musicien Banglebert Léopard Bino Bamasson Naba Pêcheur Maloni Abilanga Ba fonctionnaire Mangomba Yanzambe Révolution Nabisso Ezali Naba Acte Blo blo blo blo blo blo topo Bla bla bla bla bla bla tolembi Bla bla bla bla bla bla topo Blo blo blo blo blo blo topo Bla bla bla bla bla bla tolembi Élection Ezali le 13 décembre 1970 Olingi ba voté ozala na parti Voté nga ike levé Topo y politique ailleurs Yebisa na parti Topo ta la manifeste Topo y lokuta Propagande na parti Ata na district Ata na province Ata na capitale Bomba mbongo na bino Lokuta demi-tour Blo blo blo blo blo blo tombo Bla bla bla bla bla bla tolembi Wo wo wo wo wo tobo bla bla tolembi bla bla bla bla bla bla tobo élection Ezali le 13 décembre 1970 Olingi ba voté yozala na parti Boyoki hein ah. Boyoki ah. Boko salisusu ba peuple te Boyoki ah. Soki bokosi toko pesa bino ki sambet Aha Yesol Maboko Imperoye Oye oh, yeah.